Au lendemain de la mémorable journée, il nous fallut partir dès le matin pour Naples et Pompéi. En notre honneur, le Vésuve fit du bruit toute la journée, laissant avec ses coups de canon échapper une épaisse colonne de fumée. Les traces qu'il a laissées sur les ruines de Pompéi sont effrayantes. Elles montrent la puissance de Dieu, qui regarde la terre et la fait trembler, qui touche les montagnes et les réduit en fumée. J'aurais aimé à me promener seul au milieu des ruines, à rêver sur la fragilité des choses humaines. Mais le nombre des voyageurs enlevait une grande partie du charme mélancolique de la cité détruite. À Naples, ce fut tout le contraire. Le grand nombre de voitures à deux chevaux rendit magnifique notre promenade au monastère San Martino, placé sur une haute colline dominant toute la ville. Malheureusement, les chevaux qui nous conduisaient prenaient à chaque instant le mort aux dents, et plus d'une fois je me suis cru à ma dernière heure. Le cocher avait beau répéter constamment la parole magique des conducteurs italiens, « A pipo, a pipo !» Les pauvres chevaux voulaient renverser la voiture. Enfin, grâce au secours de nos anges gardiens, nous arrivâmes à notre magnifique hôtel. Pendant tout le cours de notre voyage, nous avons été logés dans des hôtels princiers. Jamais je n'avais été entouré de tant de luxe. C'est bien le cas de dire que la richesse ne fait pas le bonheur, car j'aurais été plus heureuse sous un toit de chaume avec l'espérance du Carmel qu'auprès des lambris dorés, des escaliers de marbre blanc, des tapis de soie, avec l'amertume dans le cœur. Ah, je l'ai bien senti, la joie ne se trouve pas dans les objets qui nous entourent. Elle se trouve au plus intime de l'âme. On peut aussi bien la posséder dans une prison que dans un palais. La preuve, c'est que je suis plus heureuse au Carmel, même au milieu des épreuves intérieures et extérieures que dans le monde, entourée des commodités de la vie et surtout des douceurs du foyer paternel. J'avais l'âme plongée dans la tristesse. Cependant, à l'extérieur, j'étais la même, car je croyais cacher la demande que j'avais faite au Saint-Père. Bientôt, je pus me convaincre du contraire. Étant restée seule dans le wagon avec Céline, les autres pèlerins étaient descendus au buffet pendant les quelques minutes d'arrêt, je vis M. Legout, vicaire général de Coutances, ouvrir la portière et me regardant en souriant, il me dit « Eh bien, comment va notre petite carmélite ?» Je compris alors que tout le pèlerinage savait mon secret. Heureusement, personne ne m'en parla. Mais je vis à la manière sympathique dont on me regardait que ma demande n'avait pas produit un mauvais effet, au contraire. À la petite ville d'Assise, j'eus l'occasion de monter dans la voiture de M. Réveroni, faveur qui ne fut accordée à aucune dame pendant tout le voyage. Voici comment j'obtins ce privilège. Après avoir visité les lieux embaumés par les vertus de Saint François et de Sainte Claire, nous avions terminé par le monastère de Sainte Agnès, sœur de Sainte Claire. J'avais contemplé à mon aise la tête de la sainte, lorsque, me retirant une des dernières, je m'aperçus avoir perdu ma ceinture. Je la cherchais au milieu de la foule. Un prêtre eut pitié de moi et m'aida. Mais après me l'avoir trouvée, je le vis s'éloigner et je restai seule à chercher. Car j'avais bien la ceinture, mais impossible de la mettre, la boucle manquait. Enfin, je la vis briller dans un coin. La saisir et l'ajuster au ruban ne fut pas long, mais le travail précédent l'avait été davantage. Aussi, mon étonnement fut grand de me trouver seule auprès de l'église. Toutes les nombreuses voitures avaient disparu, à l'exception de celle de M. Réveroni. Quel parti prendre ? Fallait-il courir après les voitures que je ne voyais plus, m'exposer à manquer le train et mettre mon papa chéri dans l'inquiétude, ou bien demander une place dans la calèche de M. Réveroni? Je me décidai à ce dernier parti. Avec mon air le plus gracieux et le moins embarrassé possible, malgré mon extrême embarras, je lui exposai ma situation critique et le mis dans l'embarras lui-même, car sa voiture était garnie des messieurs les plus distingués du pèlerinage. Pas moyen de trouver une place de plus. Mais un monsieur très galant se hâta de descendre, me fit monter à sa place et se plaça modestement auprès du cocher. Je ressemblais à un écureuil pris dans un piège et j'étais loin d'être à mon aise, entouré de tous ces grands personnages et surtout du plus redoutable en face duquel j'étais placé. Il fut cependant très aimable avec moi, interrompant de temps en temps sa conversation avec les messieurs pour me parler du Carmel. Avant d'arriver à la gare, tous les grands personnages tirèrent leur grand porte-monnaie afin de donner de l'argent au cocher, déjà payé. Je fis comme eux et pris mon tout petit porte-monnaie, mais M. Réveroni ne consentit pas à ce que j'en fisse sortir de jolies petites pièces. Il aima mieux en donner une grande pour nous deux. Une autre fois, je me trouvais à côté de lui en omnibus. Il fut encore plus aimable et me promit de faire tout ce qu'il pourrait afin que j'entre au Carmel. Tout en mettant un peu de baume sur mes plaies, ces petites rencontres n'empêchèrent pas le retour d'être beaucoup moins agréable que l'aller. car je n'avais plus l'espoir du Saint-Père. Je ne trouvais aucun secours sur la terre qui me paraissait un désert aride et sans eau. Toute mon espérance était dans le bon Dieu seul. Je venais de faire l'expérience qu'il vaut mieux avoir recours à lui qu'à ses saints. La tristesse de mon âme ne m'empêcha pas de prendre un grand intérêt aux saints lieux que nous visitions. À Florence, je fus heureuse de contempler Sainte Madeleine de Pazzi au milieu du cœur des Carmélites qui nous ouvrirent la grande grille. Comme nous ne savions pas jouir de ce privilège et beaucoup de personnes désirant faire toucher leur chapelet au tombeau de la Sainte, il n'y eut que moi pouvoir passer la main dans la grille qui nous en séparait. Aussi tout le monde m'apportait des chapelets et j'étais bien fière de faire mon office. Il fallait toujours que je trouve le moyen de toucher à tout. Ainsi, dans l'église de Sainte-Croix en Jérusalem, de Rome, nous pûmes vénérer plusieurs morceaux de la vraie croix, deux épines et l'un des clous sacrés renfermés dans un magnifique reliquaire d'or ouvragé, mais sans verre. Aussi, je trouvais moyen, en vénérant la précieuse relique, de couler mon petit doigt dans un des jours du reliquaire, et je pus toucher au clou qui fut baigné du sang de Jésus. J'étais vraiment par trop audacieuse. Heureusement, le bon Dieu qui voit le fond des cœurs sait que mon intention était pure, et que pour rien au monde je n'aurais voulu lui déplaire. J'agissais avec lui comme un enfant qui se croit tout permis et regarde les trésors de son père comme les siens. Je ne puis encore comprendre pourquoi les femmes sont si facilement excommuniées en Italie. À chaque instant on nous disait « N'entrez pas ici, n'entrez pas là, vous seriez excommuniées. » Ah, les pauvres femmes, comme elles sont méprisées. Cependant, elles aiment le bon Dieu en bien plus grand nombre que les hommes. Et, pendant la passion de notre Seigneur, les femmes eurent plus de courage que les apôtres, puisqu'elles bravèrent les insultes des soldats et osèrent essuyer la face adorable de Jésus. C'est sans doute pour cela qu'il permet que le mépris soit leur partage sur la terre, puisqu'il l'a choisi pour lui-même. Au ciel, il sera bien montré que ses pensées ne sont pas celles des hommes, car alors les dernières seront les premières. Plus d'une fois pendant le voyage, je n'ai pas eu la patience d'attendre le ciel pour être la première. Un jour, que nous visitions un monastère de Carmes, ne me contentant pas de suivre les pèlerins dans les galeries extérieures, je m'avançais sous les cloîtres intérieurs. Tout à coup, je vis un bon vieux Carme qui de loin me faisait signe de m'éloigner. Mais au lieu de m'en aller, je m'approchai de lui et, montrant les tableaux du cloître, je lui fis signe qu'ils étaient jolis. Il reconnut sans doute à mes cheveux sur le dos et à mon air jeune que j'étais une enfant. Il me sourit avec bonté et s'éloigna, voyant qu'il n'avait pas une ennemie devant lui. Si j'avais pu lui parler italien, je lui aurais dit être une future carmélite, mais à cause des constructeurs de la tour de Babel, cela me fut impossible. Après avoir encore visité Pise et Gênes, nous revînmes en France. Sur le parcours, la vue était magnifique. Tantôt nous longions la mer et le chemin de fer en était si près qu'il me semblait que les vagues allaient arriver jusqu'à nous. Ce spectacle fut causé par une tempête. C'était le soir, ce qui rendait la scène encore plus imposante. Tantôt des plaines couvertes d'orangers aux fruits mûrs, de verts oliviers aux feuillages légers, des palmiers gracieux. À la tombée du jour, nous voyions les nombreux petits ports de mer s'éclairer d'une multitude de lumières, pendant qu'au ciel scintillaient les premières étoiles. Ah, quelle poésie remplissait mon âme à la vue de toutes ces choses que je regardais pour la première et la dernière fois de ma vie. C'était sans regret que je les voyais s'évanouir. Mon cœur aspirait à d'autres merveilles. Il avait assez contemplé les beautés de la terre. Celle du ciel était l'objet de ses désirs. Et pour les donner aux âmes, je voulais devenir prisonnière. Avant de voir s'ouvrir devant moi les portes de la prison bénie après laquelle je soupirais, il me fallait encore lutter et souffrir. Je le sentais en revenant en France. Cependant, ma confiance était si grande que je ne cessais pas d'espérer qu'il me serait permis d'entrer le 25 décembre.